à l'autre bout du fil, un ami qui me parle, un ami qui raconte une tranche de vie. À l'autre bout du fil, un ami qui se déballe, qui partage sa peine en cherchant un avis. On a vu tous les deux les envers du décor. On connaît les ficelles tout autant que les nœuds. On s'est parfois déçu, presque jusqu'au remords. Assez pour avoir peur et puis faire de son mieux. Il a vécu sa vie comme un rêve d'enfant, où l'on ferme les yeux pour annuler un diable. Quelques oui, quelques non, c'est parti pour longtemps. Ce qu'on a occulté nous revient sur la table. Fantômes de la fuite reprennent du service, et ce qu'on croyait mort nous revient tout à coup. C'est s'ouvrir ou crever, et du père et du fils. Et l'on mélange tout, et l'agneau et le loup. Quand on ne voit des autres que ce qu'ils nous apportent, qu'on donne peu de soi et qu'on feint l'amitié, il arrive un matin qu'il nous ferme la porte. Les mensonges s'éventent et vient la vérité. Les anciennes batailles viennent régler leur compte. Mieux vaut être bien prêt pour en découdre un peu. L'abandon ou la guerre ou la fuite et la honte. L'ennemi est en soi et l'on joue dans son jeu. La sagesse est un leurre, tout autant que l'amour. On ne saisira d'eux qu'une image rêvée. Le réveil est brutal et le pas devient lourd. Pour monter jusqu'à soi, le trop long escalier. Ami du bout du fil, il te reste à comprendre. L'ABC du secret que tu cherches à te dire. L'important du voyage qu'on choisit d'entreprendre, c'est d'arriver au but pour éclater de rire. Je ne sais rien de plus, j'ai ma vie qui m'avale. J'ai mes hauts et mes bas, mes passages à vide. J'ai mes trous de mémoire et mes petits scandales. Ne suis rien qu'un humain qui se voudrait lucide. Quand on ne voit des autres que ce qu'ils nous apportent, qu'on donne peu de soi et qu'on feint l'amitié, il arrive un matin qu'ils nous ferment la porte, les mensonges s'éventent et vient la vérité. On ne sait pas grand-chose de ce qui nous anime. On ne sait même rien de quand tout s'arrêtera. Mieux vaut ramer mon frère à travers la déprime que de s'avouer vaincu bien avant l'au-delà. Je te souhaite du mieux et un peu de lumière pour traquer tes fantômes pour en venir à bout. Dis-toi bien, mon ami, que je reste ton frère et qu'il y a la musique qui fait guérir de tout. Un écran brille dans la nuit. Un vieil homme à dos de souris voyage par-delà les mers sur satellite stationnaire. Les enfants de ses autres vies pianotent sur des claviers gris les mots des nouvelles grammaires, oiseaux du cœur qui se libèrent. On est ensemble par le cœur, les machines ont transformé notre planète en grand village. Chacun son chemin, son bonheur, chacun sa vie, sa façon d'aller jusqu'au bout du voyage. Navigateur, gobeur de mots, au fond rien n'est jamais trop beau. Des vies en drôle de jeu de rôle, cherchant à garder le contrôle. Ces éloignements abolis, c'est autant de prix sur l'oubli pour ceux qui s'aiment sans le dire. Google, anglais, tous les délires. On est ensemble par le cœur. Les machines ont transformé notre planète en grand village. Chacun son chemin, son bonheur. Chacun sa vie, sa façon d'aller jusqu'au bout du voyage. Hello, Ophélie, long time no see. Comment ça se passe dans ta vie? Entouré de têtes carrées, doit pas être facile de se retrouver. T'es parti pour gagner ta vie aux confins de l'arrière-pays, dans la grande banlieue du pôle Nord, là où la terre cache ses trésors. On est ensemble par le cœur. Les machines ont transformé notre planète en grand village. Chacun son chemin, son bonheur. Chacun sa vie, sa façon d'aller jusqu'au bout du voyage. As-tu trouvé ce que tu cherchais dans le grand secret des forêts? Sais-tu qui habite ton âme? De quel rêve s'entretient ta flamme? En sais-tu un peu plus qu'avant? Sur les pourquoi, sur les comment, de quelle couleur est ton avenir? Sais-tu ce que tu veux devenir? On est ensemble par le cœur. Les machines ont transformé notre planète en grand village. Chacun son chemin, son bonheur. Chacun sa vie, sa façon d'aller jusqu'au bout du voyage. On est ensemble par le cœur. Les machines ont transformé notre planète en grand village. Chacun son chemin, son bonheur. Chacun sa vie, sa façon d'aller jusqu'au bout du voyage. Petit lundi, pauvre courage. Les congés fondent dans nos mains. Les oiseaux rentrent dans la cage. T'aurais pu attendre demain. le fil des songes. L'éveil n'est pas de tout repos. Préférez le vrai au mensonge, risquez de passer pour idiot. On sait que les dés sont pipés, que nos élus nous jouent des tours, qu'on n'est que pion sur l'échiquier, que ce qu'on pense ne pèse pas lourd. Petit lundi, pauvre courage, les congés fondent dans nos mains. Les oiseaux rentrent dans la cage. Ça aurait pu attendre demain. Une chanson cherche ses mots dans le réservoir aux images. Une émotion quête un écho. La musique est dans les parages. La rimeur est comme un oiseau chantant gratis et sans embâge. Une scène en quai de métro, un coin de rue pour paysage. Petit lundi, pauvre courage, les congés fondent dans nos mains. Les oiseaux rentrent dans la cage. Ça aurait pu attendre demain. Assumer d'être différent, de préférer l'être à l'avoir, de penser, d'agir autrement, de tirer profit de ses déboires. Heureusement que tu es là, sinon je resterai là-bas à m'imaginer les humains. Ceux qui ont tout, ceux qui n'ont rien. Petit lundi, pauvre courage, les congés fondent dans nos mains. Les oiseaux rentrent dans la cage. Ça aurait pu attendre demain. Petit lundi, pauvre courage, les congés fondent dans nos mains. Les oiseaux rentrent dans la cage. Mais ça aurait pu attendre demain ou après-demain. Est arrivé dans sa vie. comme un soleil en bout de nuit. Un jour de plus, c'était trop tard. Il allait rompre ses amarres. Tellement mal à la magie. D'avoir connu trop de brouillard. La vie, grandit tant qu'elle en a envie. La vie. Toujours un mystère, et c'est aussi magie. Un mot d'amour, et c'est parti. La vie qui vous sert un sursis. Le bonheur était en retard. Et le cœur donne un coup de barre. On reste là un peu surpris. À l'aube d'un dernier départ. Grandit tant qu'elle en a envie. La vie, c'est toujours un mystère, et c'est aussi magie. On se croyait le cœur en grève. Vivre à l'envers de ses rêves. On se préparait à dormir. Un peu soulagé d'en finir. Mais le feu renaît de la braise. Le cœur est prêt à repartir. La vie grandit tant qu'elle en a envie. C'est toujours un mystère, et c'est aussi magie. Regardez-les marcher là-bas. Main dans la main, au même pas. Même s'ils ont 2 fois 20 ans, on dirait de jeunes amants. Rêve d'amour ne s'use pas. c'est l'éternité du printemps.